I'm Bane. Bane. Bane. It's alive! Nous ne vous avons pas menti la semaine dernière. L'édition de réanimation de ce soir ne comportera rien de spécial. Dans les faits, cette émission sera totalement ordinaire, qu'elle sera plus que probablement très plate et ennuyante. Donc, sans plus attendre, débutons cette programmation qui sera une véritable torture pour vous. Et maintenant, vous comprenez le but de cette émission plate et ennuyante, bande de cons. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui vous disent la vérité, mais qui, en bout de ligne, cette vérité ne fait pas mal à entendre, mais est plutôt souffrante physiquement. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause we said so. Go! Confused. Confused. Can you see that? Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Découvrez la magie de la Méditerranée à deux pas de chez vous, au restaurant El Taouk. Cuisine libanaise, chiche taouk, shawarma, plats végétariens ainsi que spécial sur trio. Spéciaux étudiants. Surveillez les coupons rabais dans votre journal Zone Campus. Profitez de notre nouveau service de livraison. 840-6996. Le El Taouk, 3025 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Je ne souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. Vous dites? Ce n'est pas une vieille. Donc, je suis en train de me demander si c'était la première de décembre. Non, c'est la deuxième. C'est la deuxième. En ce 10 décembre de l'an des disgrâces 2013, je suis le Dr. Payne Pendragon et celui qui me remet à l'ordre, c'est le Gobelin Sinistro. Eh oui, ça en prend un pour remettre les têtes dirigeantes à l'ordre. On va dire les pendules, mais là, j'aurais trouvé un peu indiscret. Non, parce que tu branles pas bien. Comment vas-tu? C'est pas pire. Comment ça? Ben, si l'hiver pourrait t'offrir juste comme ça, ça serait très bien. C'est juste un bon frit. Je voudrais pas être prophète de malheur, mais... Non, je le sais. Ça risque pas de refléter la réalité. Non. Non. Et d'ailleurs, présentement, c'est du nez que le préambule, je crois. Mm-hmm. Selon l'Almanach du Peuple 1967, cette année... En 2013, vous aurez du fret... abondamment, et beaucoup de neige. Non, mais c'est cyclique, hein, sûr. Fait que faut s'attendre à ce qu'on en ait plus que les derniers hivers. Quoique l'année dernière, on a eu beaucoup de froid, ce qu'on subséquent. Pas beaucoup de neige, mais bien du fret. Ouais. Bon, maintenant, peut-être que cette année, ça va être les deux combinés. Ils vont nous donner le gros lot. Ben, quand il y a de la neige, il n'y a pas de froid, finalement. Ben, il y en a moins. Ah, non, c'est vrai, c'est ça. Mais c'est à suivre. À suivre. On vient d'entendre des formations suivantes comme ouverture d'émission, formation Accept et la pièce de Quick and the Dead, qui était aussi un bon film mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Sharon Stone et Gene Hackman. The Quick and the Dead, c'est tiré de l'album Stalingrad Brothers in Death, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Anvil et leur dernier album Hope in Hell et la pièce The Fight is Never Won. Et dans leur cas, je crois que le titre est très représentatif du band, hein? Oui, c'est effectivement. Mais ce qui est dommage avec cet album-là, c'est qu'il y en a juste la moitié qui est vraiment bon, l'autre moitié. C'est comme si c'était des pièces garochées. Je sais pas, mais les pièces qui sont bonnes sont très bonnes. Oui, c'est très bon. Mais c'est un peu l'histoire d'Enville, hein? C'était toujours un petit peu ambivalent dans ce qu'il faisait. Open Hell est paru en 2013 sur Steam Hammer. Nous avions King Diamond et la pièce Black Hill Sanatorium qui est paru sur l'album de Graveyard, qui lui est sorti en 1996 sur Massacre Records. Black Sabbath et la pièce Voodoo qu'on retrouve sur Mob Rules, paru en 81, qui se voulait le deuxième album de Black Sabbath avec Ronnie James Dio au vocal. Etiquette Warner, et nous avions ouvert avec ça là. 1980. C'est vieux. Angel Witch est la pièce Confused qu'on retrouve sur l'album homonyme qui est paru, comme j'ai dit, en 80 sur Bronze Record. Écoute, Angel Witch, j'écoutais ça à l'époque, là. Mais je les ai perdus pendant quoi? Je sais pas, au moins 30 ans, là. Puis je les ai redécouverts il y a une couple de mois. Puis je me suis dit, wow, c'était pas pire, ça, ce band-là, là. Fait vocal là, un peu spécial, là. Ouais, mais j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Je commençais à me reprocurer quelques albums du band. Puis écoute, je trouve ça quand même. Je trouve ça encore très intéressant. Puis c'est un band qui existe, là. Qui existe encore, là. Tout à fait. Qui a été formé en 76. Mais en fait, de 76-78, il s'appelait Lucifer. Bon, à l'époque, on se rappelle, comme tu me disais tout à l'heure, c'était peut-être mal vu un peu, pour X raisons. On se rappelle que Satan, à un certain moment donné, a changé de nom pour Blind Furies, et ainsi de suite. Bon. En fait, Angel Witch, sous ce nom-là, ont débuté en 78. Une période 78-82, 84-98, 2003-2005, 2008 et aujourd'hui. C'est pas hier, là, puis je pense que les gars ont jamais vraiment arrêté, là. Fait que moi, j'ai quand même du respect pour ça. Puis ils font, écoute, c'est fait partie de la New Wave of British Heavy Metal, puis je pense qu'ils font un metal honnête encore, puis écoute, je connais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Non, là, moi non peux, plus. Je peux pas te dire, mais moi, ce qu'ils faisaient à l'époque, ça me plaît encore. Et de toute façon, comme on le disait il y a quelques émissions, c'était la... Dès le départ, faut que je le dise, Réanimation, quand ça a débuté, c'était de ramener des bandes qui étaient... qui avait été perdu un peu. Oui, oui, oui. Et puis, on a perdu un peu cette optique-là. Ben, c'est en train de revenir, c'est bien. Mais ça revient. Mm-hmm. C'est ce qu'on tend à refaire. On ramène des bandes qui ont été soit plus ou moins connues il y a 20, 25, 30 ans. Et puis, souvent des bandes comme là qui existent encore, mais qui ont un moins grand exposure. Puis, je pense que c'est une question de vous instruire, bande d'ignores. Mais c'est cela. Ceci étant dit, j'aurai une chronique cinéma tout à l'heure, une minuscule chronique musicale. Mais, toi, t'as du stock pour nous autres. Ben, pour faire suite à ton super bloc de vieillerie. Toi, c'est un super bloc de vieille vieillerie. Oui, non? Des vieilles vieilleries, mais il y a, deux nouvelles vieilleries, finalement. C'est ça, effectivement. C'est bon. On va y aller avec un petit côté encore heavy metal, avec Hell. Une pièce tirée du dernier album Curse and Chapter, The Age of Nefarious. Mm-hmm. Ce sera suivi de Merciful Fate, Iron Maiden, Satan et Savatage. Ben. Ça fait longtemps qu'on a entendu. Ben oui. Allons-y tout de suite. Hell, The Age of Nefarious. Go. We'll be right back. peut-être débordé par ta fin de session, t'as peut-être pas été sage toute l'année. Pas grave, la barrique te garde pareil. Pour Noël, cours la chance de gagner un panier cadeau d'une valeur de 50$ qui comprend de la bonne bière de microbrasserie, des grignotines, un décapsuleur, ainsi qu'un verre de collection. Allez chercher votre coupon de participation dans votre journal Zone Campus, déposez-le directement à la barrique ou encore dans la boîte privée à cet effet, ici même, dans nos bureaux, à C'est Fou. Psst! L'indice, c'est Blanche-Neige. As-tu compris? Blanche-Neige. Oublie pas, pour tes parties des fêtes, c'est à la barrique qui vend la meilleure bière. La barrique, 4170, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Dans la lignée de Sky Punka, retrouvez désormais tous les vendredis soirs les Bonnets Rouges de 22 à 23 heures. Les patriotes de l'UQTR profitent de la période des fêtes pour se refaire des forces ainsi que pour remercier ses chers supporters. Prochain rendez-vous au Colisée de Trois-Rivières le mardi 7 janvier à 19h pour un match de hockey les opposant aux Redmen de McGill. Le hockey des patriotes, une tradition d'excellence. Pour information, uqtr.ca/patriotes. C'est fou. 89.1. h 57 et vous êtes à l'écoute du Undead Incorporated Show, soirée animation en compagnie du Gobelin Sinistros et de moi-même, votre cher et charmant serviteur, le Docteur Douceur. Oh, Docteur Douceur! Ça, c'est pour amadouer tes victimes. On endort. Non, on attrape des mouches avec du miel. Donc, on endort nos victimes. Après ça, bon, on en fait ce qu'on en veut. Quand tu as rendu ça à la table, ben là, t'es plus docteur. T'es docteur douleur, finalement. Ben, doux, ça commence pareil. Hein? C'est juste un lapsus. C'est juste une lettre qui change. Ouais, douceur, douleur. C'est bon, ça, voilà. On s'obstinera pas pour une petite lettre. De toute façon, dans la position où vous êtes plus en aucune position pour obstiner qui que ce soit. Ouais, non, c'est ça. Fais la langue, talk, fais-les. Je peux plus t'obstiner dans ce temps-là. Savatage avec la pièce Warriors qui était parue en 1985 sur l'album Power of the Night. Ah, c'était pas Europe, ça, avec une boîte de condoms. Non, okay. C'était pas la boîte de condoms. Ah, okay. Satan, Sage Mentality, qui est paru sur Life Sentence au début de l'année sur Listenable Records et qui est en voie d'être un des meilleurs albums de l'année, ma foi. Ah oui. Iron Maiden avec Back in the Village, qui est paru sur Power Slave en 1984 sur EMI. Merciful Fate, Into the Coven, paru sur Melissa en 83 sur Roadrunner, et Hell, The Age of Nefarious, paru sur Curse and Chapter il y a quelques semaines sur Nuclear Blast, oui. Qui va être un autre album très haut dans la liste cette année. Tout à fait. King Diamond, qui a eu 57 ans l'été dernier en juin, c'est quand même pas rien, là. Ah non. Puis il continue. Ben oui, il fait bien. Ben, écoute, je ne sais pas s'il est encore capable de monter aussi haut. Ben... J'en ai aucune idée. Un petit serment de gosse, de temps en temps. C'est très momentané. Mais c'est parce que c'est un prix cher payé pour être capable de faire une courte performance comme ça. Possiblement que c'est engagé un petit nain. Là. Ouais. Quand c'était le temps, tu sais, le petit nain, il y a la partition, là, hop, la note, elle s'en vient. Et c'est pour ça qu'il fait... C'est spectacle, c'est beaucoup... Et c'est pour cela que ces spectacles sont de plus en plus distancés. C'est ça. Il fait plus de tournées de beaucoup de dates. Non, parce que t'es pas un jour de serment le gars. Quick, quick. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Que de niaiserie. Effectivement. Ah, j'aimerais pas ça, même à gros salaire, avec le petit nain. Mais le petit nain, ça y fait pas mal, lui. Non, j'imagine, ça y fait pas mal. Il faut qu'il pose le geste pareil. J'ai quasiment le goût de vous parler de cinéma tout de oui, suite. Oui, on va être débarrassé. Mais c'était pas encore un grand cru cette semaine, là. Décidément pas. Un film, écoute, c'est un film de 2011. Tu vas dire, ouais, des vieilleries, oui, je sais, mais il était disponible. C'était dans le temps, là. Jadis, naguère. Le film a été disponible seulement cette année en Amérique du Nord. Il s'appelle Inbred. C'est un film britannique. Mais en fait, je dirais pas vraiment britannique parce que c'est peut-être plus une collaboration, irlandaise. Hispano-française. Oui, c'est ça, irlandaise. Je ne connaissais pas du tout les acteurs. Joe Hartley, ça me dit rien. Seamus O'Neill, ça me dit rien. James Doherty, un petit peu, mais bon. C'est un film de Alex Chandon. Grosso modo, là, pour te mettre dans le contexte, là, et tu connais Texas Chainsaw Massacre? Bien sûr. Bon. Ben, prends Texas Chainsaw Massacre, mélange ça avec 2000 Maniacs. Ew. OK? Mais mets ça plus cheap. OK, ça va bien. Ouais. Fait que tu te ramasses avec une gang. J'ai pris. Ben, regarde, c'est pas mal fait, OK? C'est bien fait, mais c'est. Comment je pourrais dire? C'est traité de façon très superficielle. Moi, je donne un 6.5 sur 10, pas plus que ça. J'ai trouvé que c'était quand même pas si mal, mais c'est que, bon, c'est l'histoire d'un petit village bien, bien éloigné, une bande d'espèces de cours sanguins bizarres, qui en apparence, c'est quand même pas si pire, là. Puis eux autres, c'est les acteurs principaux là-dedans sont des travailleurs sociaux qui amènent quatre jeunes à problème en campagne pour les faire travailler manuellement, pour les faire ressourcer avec la nature et ainsi de suite. Tu sais, le travail manuel pour bon. Et puis, ils tombent sur une bande de pecnos qui sont pas mal disjonctés. Puis une espèce de boucherie qui s'ensuit. Mais c'est parce que ça tient pas la route à un certain moment donné. Fait que Inbred, là, si vous avez vraiment rien à faire, c'est correct, là, mais à part de ça, là, t'as d'autres choses à faire, finalement. Il y a d'autres choses de meilleures aussi. Ouais. Une nouvelle série, ben, une série, oui, c'est nouveau, effectivement. Ravenswood, c'est une série qui vient d'ABC Channel. Je n'ai pas débuté encore. Je vais le faire sous peu. C'est une série d'horreur, qui met en vedette Nicole Gale Anderson, Tyler Blackburn et Brett Dyer, que je ne connaissais pas du tout. Mais, ça tourne autour d'une espèce de communauté qui est maudite. Donc, Ravenswood, moi, ça m'a inspiré. Je suis allé voir un peu le preview. J'ai lu pas mal dessus. Ça a l'air intéressant. Donc, ça, c'est à suivre. C'est 2013. T'as écouté The World's End? Oui, hier soir. Puis? Ben, moi, j'ai ri tout le long. Ouais, c'est clown pas c'est mal. C'est Lou Fox. C'est... Oui, absolument. Non, je change pas de sujet. Ben oui, mais c'est parce que j'ai une tête de... Non, je change pas de sujet. Ça, c'est le film que je parlais la semaine dernière où comment il s'appelle là-dedans? Voyons, Simon Pegg décide de refaire la virée des 12 bars. Encore avec son chandail de Sisters of Mercy. Oui, son tatouage. Noir, c'est un tatouage de Sisters. Oui. Oh, mais ça peut, c'est peut-être un dessin. Qui décide de refaire la tournée des 12 bars qu'il avait fait avec sa bande d'amis à l'époque en finissant le lycée et qu'il n'a jamais pu faire. Mais ça vire au cauchemar. C'est un film qui est intéressant quand même. Si on peut rigoler à quelques endroits. Nouvelle série là, que je vais attaquer bientôt qui est présentement en onde, c'est The Walking Dead saison 4. Je n'ai même pas écouté la 2, la 3 encore. Ah, la 2, c'est la moins bonne. Jusqu'à présent, la 2, c'est la moins bonne. La première, j'avais trouvé ça ordinaire. Ah oui, moi, j'ai vraiment embarqué beaucoup, beaucoup dans la... Donc, t'es arrêté de me décourager. La troisième est excellente. La troisième était vraiment excellente. La quatrième, j'en ai aucune idée. Je vais pouvoir vous en parler probablement après les fêtes. Puis écoute, j'ai pas autre chose là, cette semaine, c'était assez tranquille, j'ai écouté beaucoup plus de musique que d'autres choses. Mais le film qui était... Écoute, je suis une lancée, là, de, je sais pas présentement, là, de Mario Bava. Là. Le film à revoir, à découvrir, c'est Kill Kill Baby, qui porte le nom c'est un film italien, évidemment, là, c'est... je me rappelle plus, c'est quoi. Bref, c'est Opération Peur en français. Puis c'est pas mal bon. Je te dirais. C'est pas mal bon comme film d'horreur. C'est un film de 1966. C'est la bonne période des années 60 de Mario Bava. Autant au niveau Black Sabbath, autant au niveau de Black Sunday. C'est un peu malsain, même. Mais c'est très gothique. C'est très gothique. Ça se passe, je dirais, à peu près autour de 1800. C'est très sombre. C'est un peu une histoire, si on veut, d'espèce de comtesse cinglée qui parle avec les morts, mais qui les invoque et puis qui leur fait faire des sales boulots, si tu veux. c'est quand même bon, puis c'est pas toujours reposant. Kill Kill Baby, c'est pas nécessairement simple à trouver, mais ça se trouve quand même. En version française, c'est plus difficile, mais en version anglophone, ça, c'est simple à trouver. Fait que ça, c'est un film que je vous conseille de voir. Si vous êtes amateur du monde classique de l'horreur, ça va sûrement vous plaire. Ceci étant dit, allons-y musicalement. Maintenant, avec un petit bloc un petit peu plus trash metal. Tu connais ça, ce genre-là, toi? Non. Moi non plus, on va le découvrir ensemble. OK. On va entendre dans ce bloc-là du Toxic Holocaust, du Sodom, du Death Angel. Mais tout de suite, allons-y avec Overkill, Wish You Were Dead. Go! Cette année encore, les soirées cachées C'est fou vous invitent à ces événements mystérieux dans l'UQTR. Serez-vous aussi fou que nous? Pour connaître les dates et groupes en prestation, suivez la page Facebook et Twitter des soirées cachées C'est fou ou synthonisez le 89.1. Les Belles et les Bêtes sont de retour avec une équipe beaucoup plus sauvage et combien plus séduisante. Jeudi matin, dès 10h. Séduisante, ça paraît qu'on les voit pas. C'est la magie de la radio. Ouais, mais là, il reste encore 10 secondes à la pub. Ça me laisse le temps en masse de laisser mon numéro aux belles auditrices. Et que t'es prête. Vous aimez ce que vous entendez? Écoutez les Palmarès C'est fou les jeudis de 15h à 18h, on rappelle les dimanches à midi et tout lundi au mercredi à 17h. Vous êtes dans la zone 89. C'est fou! « 20h26, Igor Serge de pleurer. » C'est encore fait mal, hein? Ouais, c'est encore fait mal. Excusez. Igor, c'est notre zombie de service. Oui. Il est beaucoup moins rapide que ceux dans World War Z, par exemple. Ben, je comprends, avec les coups qu'il donne, il manque trois jambes. Ben là, c'est pas ma faute, là. Il est tannant des fois. Ouais, parce qu'il est pas tout seul, moi. Il écoute pas. Il a plus d'oreilles. Ah. Je pense que finalement, c'est peut-être pas Igor qui est stupide. C'est peut-être toi. Ah, je te dis. En plus, ce que je comprends pas, c'est que tu m'as aidé à le construire. T'aurais dû savoir qu'on n'avait pas d'oreilles. Ah non? Ah non, tu sais pas c'est quoi des oreilles. Les oreilles de cochon que je t'ai ramené, ça marchait pas? C'est toi qui les portes. Les oreilles de Chris. Oui, petit kit. On vient d'entendre le Toxic Holocaust et la pièce Rat Eater que l'on retrouve sur Chemistry of Consciousness qui est paru récemment sur Relapse. C'est un bon album. Très bon, oui. C'est parti de mes highlights de 2013. Sodom et Invocating the Demons, paru sur la dernière parution aussi de cette formation allemande. Epitome of Torture qui est paru en 2013, bien sûr, sur Steam Hammer. Et là, j'avais calé la shot pour Overkill, mais j'ai fait une inversion avec Death Angel et la pièce Left 4 Dead, pièce d'ouverture du dernier album, également The Dream Calls for Blood, que j'aime très beaucoup. C'est un de mes top 10 de 2013, assurément. Étiquette Nuclear Blast. Et tout de suite après, Overkill avec Wish You Were Dead, parce que j'avais dit que j'ouvrais le bloc avec Wish You Were Dead, mais c'était Death Angel. Donc Overkill, Wish You Were Dead apparaît sur l'album The Electric Age qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. Pardon. 20h28. Spectacles qui sont présentés par Brave Concert International le vendredi 7 février prochain, 18h au Fofones Électriques. C'est Augury en compagnie de Honhuman, Terramobile et Contemplator. Au coût de 16$ et 21$, taxes incluses via admission, c'est au Fofones. Le spectacle débute à 18h. Voilà. Metropolis, le samedi 15 février à 20h, c'est Children of Bodom ou Bonhom. Ça dépend. Moi, c'est plus Bonhom, mais bon. Bordom. Ouais. En compagnie de The Angel, ça c'est cool. Et de Tyr. Il en coûtera 34,78 et 39,13 plus taxes pour y assister via Ticketmaster. Et c'est pour tous. Moonspell, Leaves Eyes et Atrocity le mardi 18 février prochain à 19h au Foufounes Électriques au coût de 21$ et 26$ taxes incluses via admission. Et le mercredi 9 avril prochain au Métropolis, c'est le Decibel Magazine Tour 2014 qui met en vedette Carcass, Black Dahlia Murder, Gorguts et Noisem. C'est à 19h. C'est pour tous au coût de $30.43 et $34.78 plus taxes. Et les billets sont en vente ce vendredi 13. Vendredi 13. Ça serait épeurant. D'ailleurs, ce vendredi, je serai en classique aussi pour une partie de la rétrospective 2013. Ceci étant dit, what's up? What's up? Pour faire suivre ton bloc de trasheux, on va trasher encore une fois. Ah non! Ah ouais? Ah ouais? Ben, j'ai une bonne thématique. Hein? Comme j'avais pas le choix. Hein? Non, t'as vraiment pas le choix. Harm, avec une pièce qui s'appelle Eradication of the Individual, sortie sur l'album Demonic Alliance en 2011 et sur Battle God Production. Ben, si vous dites. Eh bien, oui, peu cher. Ça sera suivi de Havoc, Municipal West, Slayer et Aggression. Slayer. Alors, allons-y tout de suite. Harm, Eradication of the Individual. Go! Eradication of that.

quel chaos! Oh oui! Aggression, avec la pièce Dripping Flesh, qui est tirée du premier, deuxième album de Full Treatment. Oui, c'est ça. Premier, deuxième, c'est ça. Paru en 87 sur Banzai et réédité sur Great White North en 2000 quelques machins, bref. En 2005, je crois. Tu sais mieux que moi, c'est toi qui as fait la pochette. Slayer, God Send Death, qui est apparu sur God Hate Us All. 2005. Qui date 2005, bon ça. God Hate Us All, qui date déjà de 12 ans, apparu en 2001 sur American Recordings. Municipal Waste, Standards and Practices, ça veut dire quand tu vas faire suivre ton cours de conduite, faut que tu pratiques manuel. N'importe quoi. C'est sorti sur l'album de Fatal Fate, paru en 2012 sur Nuclear Blast. Havoc avec No Amnesty, qui est apparu sur Time Is Up en 2011 sur l'étiquette Candlelight et Harm avec Eradication of the Individual, qui est paru sur Demonic Alliance en 2011 sur Battle God Productions. C'est bien cela, c'est bien cela. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aurais une micro-chronique musique. Eh bien, la voici. Un nouvel album pour Triptychon, le 15 avril 2014. C'était une grosse chronique, ça, hein? J'avais dit que c'était une micro-chronique. Ah. Album qui devrait être très dark si on se fie aux propos de M. Warrior sur le site internet officiel de Triptychon. Ça fait 3 ans qu'il travaille là-dessus, puis apparemment qu'il a vécu des très grandes périodes de dépression totale. Est-ce que ça me surprend? Peut-être pas. Non. En fait, était-il déjà autrement que dépressif? Je sais pas. Ça, c'est la question. C'est sûr et certain, quand tu sors un album qui s'appelle Cold Lake, il y a quoi être dépressif par la suite. Oui, ça, c'est certain. Ça a un effet tôt ou tard. Et peut-être que cet effet-là ne s'est jamais dissipé. Ben, possiblement que ça y colle à la peau comme un vautour, là, puis il est quand tu l'as fait, il est trop tard. Vis avec, bien sûr. Oui, parce qu'il y a des gens comme nous qui s'en rappellent. Non, oui, puis on s'en rappelle pas de la bonne façon. Non, effectivement. Donc, le dicton de dire que parler de nous en bien ou en mal, mais parler de nous est totalement faux. Ben, c'est ça. Hein? Ben. Fait que l'espèce de couillon sur Metal Archive qui a donné presque 80%, là, toi, t'as rien compris. Ou bien c'est peut-être le seul unique album de ta vie que t'as écouté. Ah là là, non, blague à part, j'ai pas autre chose à parler côté musical, parce qu'il y avait vraiment pas grand-chose qui sortait de l'ordinaire. Non, c'est vrai que cette semaine, il n'y a pas grand-chose. C'est assez tranquille. C'est cela. On va continuer en musique, cette fois-ci, avec... quasiment du death metal. Là. Ah non, ouais. Pas pour copier sur moi encore, le mot, dites non. Mais regardons ça, copier sur moi. Ça donne qu'on a à peu près le même goût. Là, non, mais ça a donné que j'ai fait mon playlist pour faire suite à tes blocs, pour que ça aille une continuité, que ça sonne fluide. Fluide? Oui. OK. Ben, et ça n'a pas marché. Et non pas que ça sente les fluides. Non, ça, je trouve ça écœurant. Oui, surtout quand on fait le ménage. Ben, on fait-tu le ménage, finalement? Ben, ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Oui, je sais. Ouais. D'ailleurs, je me demandais si tu avais repeinturé. Non, c'est juste le sang séché. Oui, ça. J'ai mis une couche de formol pour que ça tienne. Ah, OK. Fait que je me suis dit, bon, ben, il a refait ça à l'époxy. Pas du tout. C'est une belle teinte, hein, ce rouge-là. Oui, c'est un rouge cramoisi. Brun séché avec une couche de formol pour tenir ça tout en place. Mais ça tient bien, par exemple. Oui. C'est juste qu'avec le temps, je trouve que le plafond commence à venir bas un peu. C'est vrai qu'il y a quelques couches, là. Oui, effectivement. Mais c'est pas grave, ça donne un certain charme. Oh, hein, ouais. On n'invite jamais personne, de toute manière. C'est cela. Continuons en musique, comme nous le disions, avec mes choix, qui sont évidemment, comme à toutes les semaines, petite portion de death metal. On va entendre les formations Origin, Nile, Morbid Angel, Bolt Thrower, mais tout de suite, une pièce tirée de l'album de Six Feet Under, Hornborn, qui est paru en 2013. Très bon album. Oui, c'est un bon album, effectivement. The Curse of Ancients. Go. Allons-y. Ben oui, go!

Thank you. Hey! 21h25, deux très longues pièces. Ben, très longues pièces. Assez longues. Assez longues. Assez longues. Origin est la pièce Antithesis, pièce titre de cet album qui est paru en 2008, pièce de clôture de l'album d'ailleurs, 9 minutes 32. Juste auparavant, nous avions Nile et la pièce User Mahat B, que l'on retrouve sur Annihilation of the Wicked, qui est paru en 2005. Encore un beau presque 9 minutes ici. Nous avions Morbid Angel et la pièce Prayer of Hatred, que l'on retrouve sur Formless Fatal to the Flesh, qui est paru en 98 sur Erake. Bolt Thrower et la pièce de Kill Chain, qui est une pièce tirée d'album Those Once Loyal, qui est paru en 2005 sur Metal Blade. Et je le disais tous les fois, je le sais, là, mais c'est le dernier album paru de Bolt Thrower en 2005. Et on oui. s'en va sur 2014, là. Ben, ils sont pas pressés. Non, parce que ce train-là, ça va faire 10 ans. Mais t'es peut-être pas le locomotive sur le train, c'est ça? Non, je sais pas. Ou manque de fuel aussi. Et nous avions ouvert avec Six Feet Under et la pièce de Curse of Ancients, pièce de clôture de l'album Hornborn qui est paru en 2013 sur Metal Blade. Et je pense que tu as dit que c'était un album que tu avais bien apprécié oui, aussi. Oui, très très bon. Ouais. Les deux derniers de Six Feet Under, selon moi, sont vraiment excellents. Là. Je pense des bons riffs qui ouais. groovent. Puis Chris Barnes a arrêté de te faire ses cris de cochon égorgés. Ouais, ouais. Ça, c'est une très bonne chose parce que ça gâchait pas mal. Tu sais, il y avait des bons mots dans les pièces à un moment donné qui arrivaient. Ouais. Ça, c'était. Pfff. Allez, go. Ceci étant dit, la semaine prochaine, dernière édition de réanimation pour 2013, nous allons recevoir la trois membres de la formation Chronicle Disturbance. Devrions recevoir Alain Lefebvre, devrions recevoir Alain Deslauriers et François Richard. Je dis devrions. Deux sur, oui, le troisième étant François Richard, a des activités qui lui permettront peut-être pas de se libérer, mais il m'a dit aujourd'hui qu'il ferait son possible pour y être. Pourquoi nous les recevons? Ben, parce que ça nous tente. Ouais, c'est tout. C'est tout. À la semaine prochaine. Non. C'est parce que nous allons faire la présentation du reissue de l'album Chronicle Disturbance, soit Foggy Creek. Donc, et comme ce sont des gens que je connais très bien, je trouvais intéressant de pouvoir les avoir en studio avec nous pour qu'ils nous racontent, en fait... Les anecdotes croustillantes. Ben oui, si possible, effectivement. Mais aussi qu'ils nous fassent un historique un peu de la formation. Et vous inculquer un peu de culture trifluvienne dans les veines. Voilà, c'est bien dit. Et de ce fait, le Rockmaster Alain Lefebvre, lui, sera avec nous dès le début de l'émission pour nous présenter aussi de ses choix qui sont... Qui lui sont propres. Donc, ça devrait être à partir de 8h que nous allons recevoir et faire cette présentation d'album de Chronicle Disturbance. Et comme je l'ai dit, c'est la dernière édition de 2013 parce que nous serons absents jusqu'au 7 janvier. Au retour de 7 janvier, théoriquement, nous devrions pouvoir faire la traditionnelle... La Retro Undead. Effectivement. Voilà. Et il est à noter aussi que, en ce qui me concerne, après le retour des fêtes, je serai à Rock Classic à tous les vendredis. Donc, si vous intéresse de connaître quels sont mes penchants de musique rock, vous connaissez ceux du métal, mais le rock, vous pouvez venir à Rock Classic parce que finalement, j'en présenterai pas, fait que ça sera pas plate. Non, c'est pas vrai. OK. Non, je vais voir, j'ai quand même une bonne plage de programmation, c'est quand même fort intéressant. Ceci étant dit, je vous rappelle les spectacles qui sont de présentation de Brave Concert, soit le vendredi 7 février à 18h au Foufouine Électrique, Augury, Unhuman, Terra Mobile et Contemplator. Il en coûtera 16$ et 21$ taxes incluses pour y assister. C'est disponible via admission. Le samedi 15 février, 20h, spectacle pour tous au Metropolis, Children of Bottom, Death Angel et Tear, au coût de $34.78 et $39.13 plus taxes via Ticketmaster. Le mardi 18 février prochain à 19h au Fofones Électrique, c'est Moonspell, Leaves Eye et Atrocity. Il en coûtera $21 et $26, pardon, taxes incluses via admission. Et le Decibel Magazine Tour 2014 présentera Carcass, Black Dahlia Murder, Gargots et Noisem le mercredi 9 avril prochain, 2014 évidemment, au Métropolis dès 19h. C'est pour tous au prix de 30 et 43 et 34 et 78 plus taxes. Et les billets seront en vente ce vendredi 13. Sinistros. Ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes? Ben, je fais suite à ton super bloc de death metal. Ben, regarde donc. En mettant du death metal, moi aussi. Alors, on va metal. Avoir. Du metal. Du death metal. D'accord. On va avoir du Deicide. Ouais. Tiré du dernier album. Ben oui. On va avoir deux anciens membres de Deicide avec Amon. Mm-hmm. On va avoir Putyrion. On aura Tormented et Chrysion. Mm-hmm. Alors, allons-y tout de suite à Deicide in the name, in the minds of evil, pardon. Tiré de l'album éponyme, paru plus tôt cette année. Le 22 ou 26. Ben, plus tard cette année, oui, finalement. Oui, ben, c'est ça. Ben, je pense que c'était le 26 novembre ou 22 novembre, je pense. 22 novembre, 26 novembre, effectivement. Alors, in the minds of evil, Deicide, go. Go. Let's go.

21h51, bientôt 52, et c'est effectivement le cas de le dire, l'émission tire réellement à sa fin. Nous serons là la semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, avec des invités spéciaux, qui sont des membres issus de la formation défunte et trifluvienne Chronicle Disturbance. Pourquoi? Eh bien, parce que Galley Records a ressorti l'album Foggy Creek, qui est paru en 1990, si je ne m'abuse. Cette année, en fait, c'est ressorti, je pense, c'est pour le Metal Fest. Je pense que oui. Ouais, effectivement. Donc, normalement, nous devions... Ben, je sais que nous allons recevoir Alain Lefebvre, nous allons recevoir Alain Deslauriers, et probablement que nous allons avoir le batteur de la formation, François Richard. Et ça, ce spécial-là débutera à 20h mardi prochain, et ce sera en même temps pour souligner la dernière édition de Réanimation version 2013, parce que nous prendrons la pause... qui est la période des fêtes, comme nous le faisons traditionnellement à tous les années. Et ça, pour une période de, je crois, 3 semaines. Ça nous mène jusqu'au 7 janvier 2014, ou 2015, là, je sais plus. Bon. Ben. On a entendu Crazy Un, The Extremists, tiré de l'album The Great Execution, qui est la dernière apparition du groupe, qui est paru en 2011. Tormented, avec Funeral Fire, de l'album Dead Always, qui est paru en 2013 sur Listenable Records. Putereon, Flesh Architect. Ouais, ça rentre bien, ça. C'est très bon, ça. C'est paru sur l'album Cult of Cthulhu, qui est paru en 2012 sur Cyclone Empire. Amon, Eye of the Infinite, qui est paru sur Liar in Wait, le premier album de Amon, qui est paru en 2012 sous étiquette indépendante, et Decide in the Minds of Evil sur l'album éponyme, qui est paru en 2013 sur Century Media. C'est excellent, ça. Oui. D'ailleurs, je pense que tu vas sûrement être comme moi, Decide in the Minds of Evil va faire partie du top 10. Oh oui, très, oui. Ah ouais, très absolument. Bon album. D'ailleurs, je me demandais, moi, jusque aller il y a quelques... moi, à savoir si je remplirais un top 10. Ah, oh, ben, j'ai au moins un top 20. Ben, j'irais peut-être pas jusqu'à un top 20, mais je pense que j'aurais pas de misère finalement à remplir le top 10. Oh, il y a des bonnes choses en fin d'année qui sont sorties, là, puis tu sais, je commence à avoir... J'hésite entre 3 présentement pour la première place, là. Non, oui, comme? Ben, il va y avoir Target Earth. D'accord. L avec Curse and Chapter. Mm-hmm. Puis Ghost Infestissumum. Toi, moi, il ne ferait pas partie de mon... du numéro 1. Ben là, j'ai le choix entre les trois. Ouais, c'est ça, mais j'en ai aucun de ces titres-là qui sont dans les numéros 2, 3, parce que là, ils ont obtenu 3-3 la même note. Ouais. Là, il y a Satan avec Life Sentence. Ouais, il y a Psy avec Insomniphobia. Si tu as attribué, accordé une même note, ça devient plus dur de faire le choix final. C'est ça. Bon. On va se quitter avec une dernière pièce. Une pièce d'un dark metal, formation Septic Flesh. Et la pièce de Vampire from Nazareth. Et sur ce, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour cette dernière édition de Réanimation 2013. Et en attendant, ce mardi prochain, là, eh bien, allez tous vous faire foutre. Go. See you. Yeah!